Chapitre 53e. Un ressentiment cuit et recuit. Pourtant, chaque nuit, l'épouvantable scène revenait, pratiquement toujours à la même heure. La jolie fille lui ouvrait la porte avec un sourire rempli de confiance. Il s'était exhorté à ne surtout pas la regarder, parce que sinon il se serait sauvé à toutes jambes. C'était pour cela qu'il avait mis la casquette. Elle l'avait laissé entrer. Sans doute pensait-elle qu'il allait lui donner des nouvelles de Malik. Quand il y repensait, elle lui avait vraiment facilité le travail. Il n'avait eu qu'à frapper et lui faire payer tout ce que Malik lui avait fait endurer. À cette occasion, il s'était découvert beaucoup plus fort qu'il ne le pensait. Il l'avait maîtrisé sans peine, et même s'il s'était montré assez brouillon en assénant les coups, il savait qu'il commettait de gros dégâts et que la fille ne s'en relèverait pas. Il savait exactement où frapper. Il y avait suffisamment réfléchi. Il était parvenu à ne rien ressentir. Cette fille ne lui était rien. Elle avait juste représenté le moyen le plus efficace de punir Malik. Il avait toujours eu dans l'idée de se venger de son cousin un jour ou l'autre. À cette fin, il avait pris soin de bien se rappeler les humiliations subies au fil des années. Son ressentiment avait cuit et recuit sans qu'il n'y paraisse jamais rien à l'extérieur, même s'il savait bien, lui, qu'un jour il présenterait la facture. Le contentieux accumulé était tout simplement trop lourd pour être effacé d'un simple coup de chiffon. Aussi une manie avait ébauché toutes sortes de scénarii quand cette fille était tombée du ciel sans qu'il ne demande rien. Immédiatement, il avait compris que l'occasion était trop belle pour ne pas la saisir, surtout que, comme d'habitude, Malik Boucharif avait fait le fanfaron. Pendant des mois, par des allusions plus ou moins fines, il avait parlé de cette fille si cool rencontrée dans le métro. Il s'était tout de suite prétendu follement amoureux, mais aussi Mani connaissait trop bien son cousin pour être dupe une seule seconde. Il était le mieux placé pour savoir que Malik Boucharif n'aimait personne en dehors de lui-même et encore. Lui-même n'aurait pas parié sa chemise dessus. Malik Boucharif n'aimait l'autre que s'il trouvait un intérêt sonnant et trébuchant. Ossine Mani était parfaitement courant de ses coucheries à droite et à gauche, ses points de chute, comme il avait coutume de dire sans éprouver la moindre gêne. Rien que pour ce mépris des femmes ouvertement affiché, Ossine détestait son cousin. Malik n'était pas un homme bien. Tout juste respectait-il ses parents du bout des lèvres, alors que Saïd Boucharif méritait bien plus de considération de la part de son bon à rien de fils. Du coup, sans jamais lui mettre la puce à l'oreille, Ossine était finalement parvenu à dénicher la nouvelle conquête de son cousin et était parvenu à en apprendre à peu près tout ce qu'il pouvait lui servir. En fait, cela s'était révélé assez simple. Sa formation l'avait beaucoup aidé. Il s'était comporté tel un cheval de Troie et il n'avait pu que se féliciter de son stratagème. Maître Vérel, tout compétent qu'il était, aurait dû mieux choisir ses collaborateurs et en particulier son assistante, Geneviève Giraudet, qui au fil des années avait accumulé une haine tenace à son endroit. C'est par son entremise qu'il avait appris tout de l'histoire de Marion Chardy, et surtout les intérêts considérables qu'elle possédait dans CM Process. Aujourd'hui encore, Ossine Mani ne pouvait que se réjouir de la façon dont, petit à petit, il était entré dans les bonnes grâces du dragon. Il avait dû employer la ruse et jouer très finement, mais il s'en moquait car seul le résultat comptait à ses yeux. Par expérience, il savait que les assistantes de grand cabinet pouvaient se révéler de véritables mines d'informations pour qui savait les exploiter. Dès qu'il avait aperçu Geneviève Giraudet, il avait immédiatement compris tout le bénéfice qu'il pouvait en retirer. Elle était de celles dont la frustration se lisait sur le visage. Il avait donc commencé par tout apprendre d'elle. Il l'avait filée discrètement pendant quelques semaines, et ce qu'il avait découvert était en tout point conforme à ce qu'il avait secrètement espéré. Geneviève Giraudet, le dragon assistant de Maître Vérel, vivait une vie sans relief émaillée d'opportunités manquées. Elle habitait un appartement sans charme, dans une banlieue mal desservie. Elle partageait très strictement son temps entre un travail au nid et une mère gravataire qu'elle n'aimait pas davantage, mais qui lui permettait toutefois de s'épancher à longueur de visite. Quand il avait jugé qu'il en avait suffisamment appris, Ossine Mani avait organisé une rencontre fortuite. Un soir, il lui était volontairement rentré dedans, en prenant bien soin de renverser le plus possible le sac à main de la dame. Le jour pluvieux et déclinant s'était révélé parfait. Profitant de la mauvaise lumière, il en avait profité pour escamoter discrètement le poudrier de Geneviève Giraudet. Naturellement, il s'était confondu en excuses et Grand Prince lui avait laissé son numéro de portable. L'appel attendu ne s'était pas fait attendre. Geneviève Giraudet semblait très contrariée d'avoir perdu son poudrier, qui était un cadeau de son cher papa et auquel elle tenait beaucoup. Elle demandait, avec les précautions oratoires d'usage, si par hasard Osinmani ne l'avait pas ramassé, dans le stress de l'instant. Osinmani était parvenu à jouer à merveille la plus grande confusion. Rendez-vous fut pris après son travail, dans un café pas très éloigné de l'étude de Maître Vérel. Une fois de plus, il ne put que se réjouir secrètement de son initiative, car il vit tout de suite que Geneviève Giraudet n'avait pas dû passer une bonne journée. Il n'eut qu'à feindre de s'intéresser à elle, alors qu'intérieurement il la trouvait minable. Comme il l'avait pressenti, Maître Vérel était bien l'objet central des griefs de la dame. « À présent, il me demande même de faire des photocopies. Ce n'est pas parce que son assistante est partie le mois dernier qu'il peut user de moi comme il l'usait de Justine. Nous n'avons pas le même âge. » Autre fait intéressant pour Osinmani, Geneviève Giraudet n'aimait guère Marion Chardy, même s'il reconnaissait du bout des lèvres qu'elle se tenait à peu près correctement, du moins jusqu'à ce qu'elle s'acoquine avec un pas grand-chose. D'une manière générale, Geneviève Giraudet n'appréciait pas les clients de Maître Vérel. Tous des gosses de riches qui se croient sortis de la cuisse de Jupiter, alors que beaucoup mériteraient surtout une bonne correction. Ils gaspillent leur argent alors que tant d'autres ont bien du mal à gagner le dixième de ce qu'ils claquent en un mois. Dire qu'il leur en faut toujours plus. Je suis submergé d'un pays en tout genre. C'était l'autre grand sujet de récrimination de Geneviève Giraudet. Elle ne se considérait pas comme assez payée, ni estimée à sa juste valeur. Sa situation actuelle lui interdisait de mettre sa pauvre mère, qui s'était échinée toute sa vie pour un salaire de misère, dans une maison de retraite convenable. Bien sûr, reconnaissait-elle, elle pouvait toujours vendre le petit pavillon de ses parents à Louveciennes, mais la vente ne couvrirait même pas l'ensemble des frais de pension. Tout était à présent si cher.